je sais que tu ne m'aimes pas vraiment. Je sais que tu as d'autres amants. Mais force-toi. Je sais que tu suces pour 10 ou 15 francs. Tout ça, je le sais pertinemment. Mais force-toi. Je sais que je pleure toutes les nuits sur ce banc. Je sais que nous ne sommes pas du même sang. Je sais que tu le trouves ridicule, mon chant. Et en plus, j'ai la voix cassée. Mais putain, qu'est-ce que je fasse C'est bon. Mais force-toi. Force-toi.